Le Point Rouge par André Godard. À 22 ans, Clarence était resté l'enfant maladif et impressionnable jusqu'à la névrose, qui jadis éprouvait des voluptés indicibles à traverser, au fond d'une voiture bien close, par les soirs de tempête, des bois où se lamentaient les loups. Encore maintenant, il préférait au roulat du rossignol la plainte longue de la hulotte, au haut d'un vieux chêne à minuit. Il habitait seul, avec une grand-mère très âgée, un château perdu entre une forêt des Landes. Dans les fourrés vivaient en hostilité durant le jour Lapin et Milan, gentils entreveneurs et braconniers à demi-sauvages. Le soir venu, on n'entendait plus que le glapissement ou le cri des bêtes nocturnes, et vers 11 heures, le sifflement d'un train qui traversait la forêt. À ce moment, Clarence veillait. De sa chambre étroite et gaiement éclairée par 2 lampes à abat-jour rose, il sondait les masses d'ombre du dehors et les peuplait d'une vie étrange, son front brûlant appuyé sur le meneau de granit qui séparait en deux sa fenêtre. Il savourait la peur, la maniant à son gré, mais sachant bien qu'un jour ou l'autre, il serait dominé par elle. Ce raffinement seul manquait encore à cette exquise torture. C'était la sensation du précis dans le mystérieux. La voie ferrée qui coupait les bois avait été terminée au dernier printemps. Lorsqu'arriva novembre et que les chênes eurent perdu toutes leurs feuilles, Clarence aperçut un soir une lueur rouge qui étoilait au loin l'ombre des futaies. C'était un disque isolé au sommet d'une rampe de la voie en plein milieu de la forêt. Clarence, dès lors, se mit à regarder chaque nuit le point rouge et, peu à peu, une fascination craintive l'attira vers cette lueur lointaine et fixe. Une angoisse l'obsédait à l'idée de partir seul à minuit, de se diriger au fond des gorges sauvages vers cet œil immobile, de l'entrevoir et de le perdre tour à tour, de se sentir approché de lui, de le retrouver soudain face à face comme une chose ennemie dans l'obscurité et l'abandon. La hantise s'accentua. L'attirance de ce point rouge devint pour Clarence l'idée fixe, prélude de la folie. La nuit, il se levait pour courir à sa fenêtre. Essayait-il de résister ? Cette lutte contre lui-même le secouait de crises nerveuses et il finissait par obéir à l'instinct. Clarence partit un soir, 2 heures avant le passage du train. Avez-vous rencontré quelquefois un oiseau que fascinait une couleuvre ? Le pauvre petit veut se défendre, essaie de détourner les yeux, mais lentement il avance jusqu'à la gueule béante en face de lui. Ainsi Clarence luttait. D'un effort suprême, il repoussait la folie. Il s'efforçait de ne voir dans les causes de sa terreur que leur réalité physique, dans les arbres que du bois de chauffage, dans la lueur rouge qu'une vulgaire lanterne. Mais bientôt le prisme de la peur déformait de nouveau pour lui toutes ces images. Il courait en plein taillis, au milieu d'une ombre intense. Au-dessus de lui, les demi-clartés du ciel dessinaient le lourd balancement des hauts chênes isolés. Son cœur battait à se rompre ou se contractait d'une angoisse folle. Au cœur des vallées, la lueur sinistre du disque disparaissait. Des éclairs de raison lui revenaient alors, et il s'efforçait de retourner en arrière, d'un effort. Il ressentait maintenant l'effroi du chemin parcouru, la hantise de chaque arbre qu'il savait derrière lui. Parfois, l'excès même de son épouvante l'en délivrait un instant. Des idées d'un autre genre se réveillaient en lui. C'était une tristesse douce, une nostalgie de grand soleil d'août, des moissons blondes et des enfants qui jouent devant les maisons blanches des villages. Et c'était ensuite un désir serein de la mort et de la paix profonde de ces chevaliers de granit endormis, les mains jointes, sur les sépulcres des cathédrales. Maintenant, il gravissait une colline plantée de sapins où le vent s'engouffrait avec la sonorité des vagues sur les écueils. Ce fut là, au sommet de la côte, qu'il aperçut le disque, à 30 pas. La lanterne immobile et rouge semblait un œil braqué sur lui. Et comme il s'approchait, fasciné, la sueur coulant du front, voici que le disque, muet 1 kilomètre de là par un manœuvre, tourna brusquement sur lui-même avec un vacarme infernal. Il ouvrait la voie au train montant. Clarence poussa un râle étouffé. Il se comprima le front avec ses 2 mains, comme pour en retenir un reste de raison. Trop tard, le fou avait surgi en lui. Pourquoi cette phrase « Je ferai dérailler le train » jaillit-elle ensuite au fond de sa cervelle obscurcie. Peut-être lui vint-elle de cette suprême épouvante, voir défiler, dans un éclair, les wagons lumineux, pleins de voyageurs confortablement portés vers les villes. Puis, rester là, tout seul, parmi ses sapins noirs, à minuit, face à face avec le disque, l'œil rouge braqué sur lui. Déjà montait des gorges lointaines un sifflement atténué. Sous un pâle reflet de la lune, entre deux nuages, Clarence aperçut un amas de traverses rangées au bord de la voie. Et lui, délicat, inapte aux besognes rudes, il eut à cette minute assez de force nerveuse pour traîner, seul, une de ses longues poutres et la poser en travers des rails. Le train escaladait déjà la longue rampe. À 1500 mètres, Clarence percevait son bourdonnement sourd et entrevoyait parfois une lueur rapide au fond des balais. Mais voici que dans le cœur du pauvre fou une image très calme, une blanche vision de son enfance est revenue. Tout petit, sur les genoux de sa mère, il traverse une forêt obscure dans la lumière joyeuse d'un wagon. Où vont-ils? N'importe. Cela-t-il n'existait jamais? Il ne le sait plus. Ce souvenir, ce rêve peut-être, a ramené des pleurs au fond de ses yeux. Clarence est à genoux, affaissé. Alors une idée s'éveille en lui. Dans ce train qui va passer, il y a des mères comme était la sienne, et des enfants qu'elle câline en souriant. Soudain, comme sa raison se réveillait presque, un choc ébranle irréparablement son cerveau. À 300 mètres, les deux yeux de la locomotive débouchent d'une courbe. 20 secondes. Il a pu retirer la traverse, d'instinct, comme il l'avait placée. Alors, sur le rail, il s'allonge lui-même, et très calme à présent, il regarde approcher, grandir, dans un roulement de tonnerre, la bête monstrueuse qui va éparpiller sa chair en bouillie. Et le train passe devant le disque immobile, entre les masses noires des sapins. C'était Le Point Rouge par André Godard.